J'ai un mécano, mais bon, j'ai pas de fric. Je sais pas, attends. Ouais, j'enlève les effets, j'ai bien un mécanicien, mais j'ai plus d'argent. Oui, liquide normal, ouais, j'ai regardé, ça s'est pas mélangé. Le Carlosta. Carlosta, j'ai même poussé. Là, je suis nul en mécanique, hein. Nul. J'ai fait des tout petits trucs. Qu'est-ce que j'ai réparé, hein? Ouais, de toute façon, pour le moment, je ne fais plus rien parce que la carte grise, elle est pas en règle. Alors. Pour le moment, je roule avec ma 125. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM. Et la bombe du huitième. Le HLM. Au premier dans mon HLM. Putain, ce qu'il est. Bah, je vais aller regarder le truc de forum là qu'on m'a émis là. Pourtant, j'en ai vu des forums. Putain. Expliquer. De toute façon, je suis enculé. Cette manière, ça m'énerve. Salut. Mike, je viens de lire. Moi, je construis. Ça, je vais aller le mettre sur. Sur Google, la Bible Google. Alors je vais voir le forum. Tac. Copier. Coller. Merde, il veut plus me le coller ce connard. Oh non. Ah si, ça y est. Est-ce que vous voulez mettre à jour votre moteur de recherche? Non, merci. Je suis Benjamin. Non, mais ça marche pas. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM. Le HLM. Au premier. Ouais, si c'est le machin avec le logo BMW, ouais. Ah non, j'ai pas été sur celui-là, faut voir. Alors, bonjour, je possède une BMW pourrie de 94 de 210 000 km qui faisait lâcher mes durites. J'ai changé Calosta, Visco, Coupler, toutes les durites lors de la purge. Il y a toujours de l'air dans le circuit. Si j'ouvre le vase et que je ferme la purge, le liquide déborde. D'après vous, est-ce que ça peut être la pompe à eau ou est-ce que c'est le joint de culasse?